Chapitre 1er. En 1521, c'est-à-dire l'heure où Hernán Cortés débarqua à Veracruz, régnait sur le royaume de Michoacán le roi Tzimtzicha, autrement dit, celui qui édifie des forteresses. Fils de Singuangal le Vaillant, Tzimtzicha, déjà âgé de plus de 40 ans, était, rapporte l'histoire, silencieux, hypocrite, fanatique. Assez indifférent aux principes moraux de sa religion nationale, il se montrait en revanche très soucieux de ses pompes extérieures. Un des premiers actes de sa puissance fut de mettre à mort 4 de ses frères, dont il redoutait l'influence, dont il déplora ensuite le supplice avec une feinte douleur, en l'imputant à l'un de ses ministres. Tzimtzicha apprit l'arrivée des Espagnols au Mexique, puis leur audacieuse marche sur Mexico, par des ambassadeurs qui, d'hommes de Montezuma II d'abord, puis de Cuauhtémoc ensuite, vinrent lui proposer une alliance contre ces étrangers dans lesquels il fallait voir des ennemis communs. Si Cuauhtémoc eût réussi à grouper dans une ligue défensive toutes les nations qui entouraient son empire, la conquête du continent américain, au moins sur ce point, eût certainement été retardée. Mais la haine qu'inspiraient les Aztèques à leurs voisins était si violente qu'elle l'emporta partout sur la raison. Après avoir un moment vacillé, cédé au conseil des chefs de ses guerriers, qui souhaitaient se mesurer avec les envahisseurs, Tzimtzicha licencia brusquement l'armée de secours qu'il avait réunie et se tint neutre. Les événements vers l'Atlantique se succédèrent aussi rapides qu'inattendus, et l'établissement des Espagnols à Mexico, s'il parut laisser leur souverain indifférent, inquiéta beaucoup les Tarasques. Il les eût inquiétés bien davantage s'ils eussent su que Cortés, tout en s'occupant de la réorganisation de sa conquête, ne les perdait pas de vue. L'habile politique recevait des renseignements de plus en plus précis sur les richesses agricoles et minières du sol de ses voisins, et de plus en plus convoitait cette proie. Or, un de ses capitaines, nommé Villa Diego, avait appris la langue aztèque au point de la parler couramment. Cortés, avant d'avoir recours aux armes, résolut d'envoyer cet officier reconnaître, étudier le fort et le faible du pays dont il voulait s'emparer. Il pourvut Villa Diego d'une escorte de 12 nobles aztèques, le munit de nombreux présents, surtout de ses miroirs et de ses grelots auxquels les Indiens ne savaient pas résister, en échange desquels il livrait de l'or à pleine main. Bien équipé, bien instruit des intentions secrètes de son chef, protégé en outre par le titre très respecté d'ambassadeur, Villa Diego se mit en route et arriva sans incident jusqu'à Taximaloyan, ville frontière du Michoacán. Seulement, le but de son expédition à demi atteint, l'Espagnol et son escorte, disparut brusquement, mystérieusement, sans qu'aucune enquête ait jamais pu révéler leur sort. Interrogés, les habitants de la frontière gardèrent toujours sur ce sujet, surtout en face des Espagnols, un silence probablement ordonné ou dicté par la prudence. Cette disparition inexpliquée fit alors grand bruit et préoccupa assez longtemps les esprits pour donner naissance à une locution familière de la langue castillane « Tomar las de Villa Diego », c'est-à-dire « prendre le chemin du brave capitaine » signifie encore aujourd'hui « disparaître sans motif, sans raison, sans laisser de traces ». On ne sut donc jamais, au moins à Mexico, ce qu'était devenu non seulement Villa Diego, mais aucun de ses 12 nobles compagnons. Toutefois, à Taximaloyan, on se racontait entre indigènes que vers le mois de février 1522, à l'époque de la grande fête qui ordonnait le renouvellement de tous les ustensiles de ménage, un Espagnol était apparu sur la grande place du palais, monté sur un cheval blanc, détail exact. On disait que le gouverneur, en vertu d'ordre reçu de la cour, lui avait refusé l'autorisation de pénétrer dans le royaume. L'étranger avait séjourné pendant 3 jours dans la ville, longuement parlementé. Puis, de guerre lasse, il avait repris avec les ambassadeurs de Montezuma II, dont il se disait le chef, la route de Mexico. Que lui était-il arrivé une fois rentré sur le territoire mexicain? On l'ignorait ou l'on feignait de l'ignorer. Le fait certain, c'est que Cortés attendit en vain le retour de son mandataire et mourut, sans savoir ce qu'il était devenu. À Taximaloyan, on disait aussi, mais cette fois tout bas, que le commandant de la ville, ne sachant comment agir pour ne pas déplaire au roi, s'était secrètement emparé des ambassadeurs et que, les faisant voyager de nuit par des chemins détournés, il les lui avait envoyés. De cette façon, Tzimtzicha restait maître de les accueillir ou de les faire disparaître sans que les Espagnols puissent réclamer. Or, tandis que Villadiego et ses compagnons cheminaient prisonniers vers Tsinsunsan, capitale des Tarasques, on faisait habilement courir le bruit sur la frontière qu'ils regagnaient Mexico. Dans l'intérieur du Michoacán, à Zinepecuaro, par exemple, on parlait, non sans réticence, d'un homme blanc apparu à l'époque où la princesse Azimba avait été tenue pour morte. À Tsinsunsan, on avait vu l'exécution de 12 Aztèques considérés et châtiés comme imposteurs, puisqu'ils avaient usurpé le titre d'ambassadeur en se présentant au nom de l'empereur Montezuma, alors que l'on savait que ce souverain avait été tué lors du siège de sa capitale. En même temps, on parlait aussi beaucoup à Tsinsunsan de la jeune et belle princesse Azimba, prêtresse du soleil, qui, miraculeusement morte et ressuscitée, était brusquement retournée au ciel. Or, la disparition de l'aimable princesse coïncidait si bien avec celle de Villadiego que le rapprochement du nom des deux jeunes gens s'imposait en quelque sorte aux esprits. On pressentait une aventure que nul ne pouvait ou n'osait raconter ni approfondir. Enfin, de tous les témoignages recueillis, rassemblés, unifiés, et cela après plus de 3 siècles, se dégage la légende, ou mieux dit sans doute, la page d'histoire que nous allons mettre en lumière, sans rien ajouter ni retrancher aux faits conservés par les traditions, mais en les coordonnant.